Yeah, le rap à la chatte sale, tu veux palpine. Les jaloux tirent sur WAM et j'amortis les balles de la poitrine. Pas besoin d'une patine, la jouer comme les quatre films. Y'a pas de stream, j'suis violent sur le violon, belle-moi pas de crime. Si t'imprimes pas, pas digue. Diffré est un galactique, j'suis trop high pour vos joueurs de ligue. On m'a dit m'arrêter à 8, les lascars ont tous peur. Une pute m'a branlé la bite sur mon GSX-Ner. Wow, une trace de pneu sur un estomac éclaté. Tu meurs, s'il te plaît, la verra, c'est un tarantola. Tu meurs, à lui je kick. Avoir une boule du sang dans la bouche et le faux coule jusqu'à que les égouts pas la lame soit bouchée. De 7, je remets les pendules à 7, E-E-R au rouge et la recette test. Oh, je vais faire du reset, rip, j'ai le son du reset. Ouh, car là, je me barre là, leur fantasme par là. J'ai tellement monté que je vais donner à leur gaffe ma tare là. Le style est austère pour qu'ils déblatèrent. Je plastique les barrières, salant. On dira perdre son âme après l'énoncer ta carrière. Histoire de finir, je prends silence. La pôle m'a servi de leçon. Je pas une amène dans un lance-roquette pour faire entrer les gros fonds. Pour les gars, le hippie, je flotte du proc, je fais des tours les turquies. Sors ton bras, y'a pas un mec qui négocie. A qui expier, te confier, laisse la rue, viens pas me défier. Beaucoup de têtes trahissent même pour le cul d'une fille. Oh, y'a trop de fou, on a le flou. Tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est KO. Faut que tu sais que les décors, on a du mieux. T'as les points de cul, on peut les éviter que la fin va tout ça. Oh, y'a trop de fou. C'est Mister Tiki, toujours les mêmes, c'est qu'il y a pas de chichi. Rien à foutre des pires, j'suis prêt que ça se règle en Haïti. J'suis chaud comme de la presse, j'suis poubelle et on équipe. J'en m'applique comme un stick dans ta bouche, j'suis bico. Authentique, c'est moi le vrai, le reste c'est que du bipo. J'suis au courant de rien, qui rappe mal, qui rappe bien, j'sais pas, j'm'en fous. C'est qu'à mettre l'ancien, c'est le 9-4 et c'est tout. On est chaud, c'est la guerre sous le plafond, y est. Quand premier frère, vous le braconnier. Pas de marche arrière, on le braconnier. Chasseur hors pair ou braconnier. Ma prépa, sous-signal, pas de résignation. Signal, ce serait l'histoire vraie par le réel. Le destination finale, par Cayenne, Black et 9 fois. Ici, mon fils, le système, on vit système. Depuis Louis XIV, on a compris le système. La chiffre, la frappe, un tac. Ouais, ouais, si, si, c'est la guerre, trois bacs. On gratte un bac, une mesure de kilomètres de tif sur un pop bac. Blah! Oh, y'a trop de feu, on a le feu. Comme les carrés, appelle-moi Ahmadinejad, tu légende, numéro 7, mais tout explose et comme les jappes, tu veux du rap, mettez-moi, trop dans le game, à la Benzema, dans les mêmes jets, tu mets au même, très haut, pas au dégueu, quand je rentre dans la car, vide, ça sent le sourire car, vide, sans trop as, vide, c'est pas, c'est numéro 7, c'est le bar, c'est, y'a pas moyen que tu nous bouillonnes, il rendait la caille, chez nous on porte le brassard, on les décapitaine à la bouillonne, t'inquiète, je suis positionné, dans ce que je fais, tu te reconnais, sur l'instru, ça tue, c'est cru, mon rap et la rue ont fusionné. Lève les bras, me voilà, appelle-moi le ghetto en format audio. Pour tous les blablateurs flambeurs, j'ai un détecteur de mytho. Quête, quête tous ces mecs, cramés à des kilomètres. Dès qu'ils voient passer une chèque, se mettent à gonfler les becs. Oh. MC full corbeau, découpe en charcute, en percute, t'entends. Le son est tellement vivant que le rap s'étend, va jouir des tympans. Qui veut tester, qui peut rester quand je m'élance, hallucinant. Je dépite, je m'agite, tu m'évites tellement vite, tu rythme mes cœurs fascinants. Tu tends du fer, hall, t'as senti, ben, hall. Neuf de poigneux qui peut faire mieux. T'emportes tes fesses, ball. Rageux, rageux, ont du mal à, ont du mal à écoutez, ma rime fait pas tes malas. Elle va te découper. On te pèse, on te crève. Le watt et la barre s'élève. Nique sa mère la rue. Moi c'est que ma daronne qui m'élève. Oh, y'a trop de fou. On a le flow. Tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est KO. Faut que tu circules. Et toi on a du but. T'as les points de cul. On peut les guider. Tu la pas tout le temps. Oh, y'a trop de fou. On a accumule ta